15-18, activation orale et écrite. Où? À quel endroit? Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous voyez... 1. Vous en avez un... Vous entendez... Est-ce qu'il y a un bureau de tabac près d'ici? Et vous répondez... Vous en avez un dans la rue des écoles. Et vous écrivez... Dans. 2. Y a-t-il un bureau de tabac près d'ici? Vous cherchez un prix unique? Quatre. Vous avez rendez-vous avec Robert? Où ça? Cinq. Mireille fait-elle des études? Six. Tu connais le jardin du Luxembourg? Sept. Où est l'hôtel de Robert? Huit. Où est-ce que Mireille rencontre Hubert?